rue, y'a de la chatte à tout temps. Une mallette de la thune, moi j'ai fait. Y'a du sang sur le béton, ça a fait. Partout où je me ramène à tout temps. Dans la rue, y'a de la chatte à tout temps. Une mallette de la thune, moi j'ai fait. Y'a du sang sur le béton, ça a fait. Partout où je me ramène à tout temps. On m'a dit que j'étais dur. Je vais droit dans le mur avec un bulldozer. Sûr, je défonce le futur. Moi je suis doux comme un mélange d'essence, d'eau de Javel et d'acide. Alors que toi c'est plutôt caramel liquide. Tu rames et je te liquide. Ici le rap c'est dead mec. Et c'est dans le Bronx négro que j'aurais dû naître. Que j'aurais dû être. Moi je viens pas de ton bled. Je suis la blade de ton steak. Le crack que fume le prêtre. Arrête de te la péter sur YouTube avec ton dos de QI. Ta tête du QI. Et ton savoir d'enfant. J'aime pas les gens. Dans mon pas intelligent. Quand je représente ma vie, mon gang. Mais sûrement pas numéro de département. Y'a des faux murs, des faux planchers dans mon appartement. Je suis la nouvelle race du crime. Appartenant, vas-y défonce des temps. Je te prends appartenant à Glock, un crâne, une corde pendue. Je suis le type qui fait flipper les détenus. Appelle-moi monsieur le producteur. Ou monsieur le reproducteur. Appelle-moi de tête le réducteur. Le sauvage du hip-hop de la France à tumeur le tueur. Dans la rue y'a de la chatte à tout temps. Une mallette de la thune moi j'ai fait. Y'a du sang sur le béton ça a fait. Partout où je me ramène à tout temps. Dans la rue y'a de la chatte à tout temps. Une mallette de la thune moi j'ai fait. Y'a du sang sur le béton ça a fait. Partout où je me ramène à tout temps. Mon flow viril je te les sers vite. De l'ecstasy c'est ce que je n'ai d'Eric chéri. T'écoutes tu kiffes trop ma musique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise. Papa pas suce mon beat. C'est ma drogue atypique. Les pics c'est à dire vite. Y'a que graines de cannabis. Attire le poulet où j'habite. Boum boum. Moi j'attrape et j'te boum. Normal j'ai un pitbull. Mon son c'est comme si j'te donnais un coup d'oreille rempli de plomb. J'te plombe. C'est comme si dans ma gueule j'suis tombe. C'est comme si à l'anniversaire ton enfant je serre une bière blonde. Et que tu m'as terraminé. J'ai vu le rap français s'élever et mourir. J'étais là quand la variété a commencé à nourrir. Ça pleut dans ton poste et qu'ils commençaient à pourrir. Ils ferment tout leur gueule alors que je commence à l'ouvrir. Dans la rue y'a de la chatte à tout temps. Une mallette de la thune moi j'ai fait. Y'a du sang sur le béton ça a fait. Partout où je me ramène à tout temps. Dans la rue y'a de la chatte à tout temps. Une mallette de la thune moi j'ai fait. Y'a du sang sur le béton ça a fait. Partout où je me ramène à tout temps. Une mallette de la thune moi j'ai fait. Y'a du sang sur le béton ça a fait. Partout où je me ramène à tout temps. Dans la rue y'a de la chatte à tout temps. Une mallette de la thune moi j'ai fait. Y'a du sang sur le béton ça a fait. Partout où je me ramène à tout temps.